Aventure sans pareil d'un certain Hans Pfaall. Edgar Allan Poe. Traduction de Charles Baudelaire. Lu par Charlotte pour audiocité.net sous licence Creative Commons.org.